Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on a terminé hier avec l'évocation des quelques règles que l'imam Mohamed ibn Saleh al-Uthaymeen a évoqué au début de son explication de ce livre. J'ai pas comme ça, on entendait. C'est bon ça. T'es sûr? Ouais, c'est sûr. Et donc là, Inch'Allah, on va rentrer directement dans le texte. Hier, t'avais dit qu'il y avait un hadith. Ah, oh, Allah, ouais, c'est vrai qu'on avait promis qu'on allait lire dans un hadith important, j'ai complètement oublié. Dans le Mukhtar. Le Mukhtar de Cheikh Ibn Hizam. Il est là ? Aïe, Jamil, Jidda. Ahsanta. Il faudrait qu'on essaye de mettre dans la bibliothèque, ici, là, les livres les plus importants, les livres qu'on pourrait avoir besoin dans le DAF. Ouais. Donc, on avait promis qu'on allait lire. Avant de reprendre le cours sur qui concerne la Aqidah, on avait promis à certains frères qu'on allait lire dans un hadith que peu de gens connaissent et qui est un hadith très important et qui recèle énormément de leçons à tirer. C'est un hadith dans lequel il est affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien des phalanges ou une phalange. Comme on a vu dans les autres ahadiths ou comme on a évoqué les autres ahadiths, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait des doigts, ça c'est une chose qui est bel et bien confirmée. Maintenant, est-ce que les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme les doigts de sa création? Là, celui qui prétend que les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme les doigts de sa créature, ma hukmu, quel est son jugement? Ahsan, ya Abu Zakaria, ça c'est du kufr. Le fait de dire que les doigts d'Allah sont comme les doigts d'un tel, alors ceci est du kufr. Car ça dément la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Laysa kamithlihi shay ». Taïb. والحديث هو حديث عظيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس. Donc c'est un hadith de Mu'adh où il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم ne s'est pas présenté à la prière du Fajr, à la prière du Sobh, et nous l'attendions, c'est-à-dire Mu'ad et les autres compagnons. Et nous attendions le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que nous pouvions presque distinguer le soleil se lever. Ça, ça montre l'extrême retard du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cette prière du Fajr. T'as فخرج سريعا وثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم. Et donc le prophète sallam il est sorti précipitamment et il a fait une prière assez rapide. Il a effectué une prière assez rapide. Une fois qu'il a terminé la prière et qu'il a passé le salam à droite à gauche, il s'est retourné directement vers ses compagnons et il leur a dit que chacun reste à sa place. Que chacun reste à sa place. Et tout ça, du prophète, alayhi salatu wassalam, le fait qu'il se retourne directement et qu'il dise à ses compagnons que chacun reste à sa place, ça c'est une, pareil, c'est une forme, c'est une manière d'attirer leur attention sur ce qui va suivre. Que personne ne bouge de sa place. Ça veut dire tout le monde là, tous ceux qui sont restés derrière lui, ils vont être concentrés à l'écoute de ce qui arrive. Et ça leur fait savoir aussi que ce qui arrive est une chose importante. Ce qui va leur transmettre est une chose importante. Donc ensuite il dit ثُمَّ إِنْفَتَلَ إِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ أَمَّا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الْغَدَى. Ensuite le prophète sallam il s'est tourné vers eux et leur a dit: certes, je vais vous informer de ce qui m'a retenu de vous trouver ou de sortir vers vous ce matin. قال أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي. Donc le prophète sallam il explique que il s'est levé comme c'était son habitude. Il se levait de nuit pour prier. Donc lorsqu'il s'est levé, il a fait ses ablutions et ensuite il a prié ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété comme prière. Jusqu'à il a commencé à somnoler dans sa prière. فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِ فَاسْتَثْقَلْتُ. C'est-à-dire, il était dans sa prière, il a commencé à somnoler jusqu'à ce qu'il est rentré dans un sommeil profond. فَاسْتَثْقَلْتُ. قَالَ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ سُورَ. Et me voilà présent devant mon Seigneur, تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et le voilà de la meilleure des apparences. Et le voilà, c'est-à-dire mon Seigneur, dans la meilleure des apparences. Fi ahsani sura. Faqala, ya Muhammad, qultu labbayk ya Rab. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: O Muhammad. Et le prophète alayhi salatu wa sallam répond: labbayk ya Rab. Me voilà, ô mon Seigneur. Qala, fima yakhtasimu al-mala'u al-a'la. Au sujet de quoi se disputent les nobles anges? C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il demande au prophète: au sujet de quoi les nobles anges se disputent? Qala qultu la adri rabb, la adri rabb. Donc le prophète sallam il répond: je ne sais pas, mon Seigneur. Qalaha thalatha. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répète trois fois: فِيمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى. Au sujet de quoi se disputent les nobles anges? قَالَ فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بين ثديه فتجلى لي كل شيء او كل شيء فتجلى لي كل شيء. Et donc le prophète sallam dit: ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a posé la paume de sa main au milieu de mes omoplates. Tamam. طبعا là le prophète sallam il parle d'une chose qu'il voit d'une manière réelle ou bien mal. Là il rêve, là il est dans un rêve, parce que la main d'Allah Azza wa Jal يعني ka jami' sifatih 'azima. La main d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est énorme, elle peut pas se retrouver entre les omoplates du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là on est dans un rêve. Tamam. نعم. طيب. قال. نعم. Donc ensuite il dit, donc sa paume, il a, le prophète sallam il a dit: j'ai vu sa paume, il a déposé sa paume entre mes omoplates jusqu'à ce que j'ai senti la froideur de ses phalanges. Al-anam. C'est les phalanges. Donc ça, c'est ce qui nous intéressait du hadith pour affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a bel et bien des phalanges. Tamam. jusqu'à ce que j'ai senti la froideur et que ces phalanges sont froides. Il y a le hadith. Et que j'ai, jusqu'à ce que j'ai senti la froideur de ces phalanges, Beina Thadiei. Jusqu'à ce que j'ai senti la froideur de ces phalanges jusqu'à ma poitrine. La froideur s'est propagée jusqu'à ma poitrine. Voilà. Et c'est ensuite Fatajalla li kullu shay'in. Et c'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait déposé sa main sur dans le dos du prophète alayhi salatu wasalam que toute chose est devenue claire pour le prophète alayhi salatu wasalam. Tamam. وعرفته. قال فتجلى لي كل شيء وعرفته. Tout est devenu clair pour moi et j'ai su toute chose. فقال يا محمد فقلت لا بيك يا رب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il l'interpelle, il dit oh Muhammad, et il dit me voilà au Seigneur. قال فيما يختصم الملأ الأعلى. Au sujet de quoi se disputent les nobles anges? قال قلت في الكفارات. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à son Seigneur en disant ils se disputent au sujet des actes d'expiation, les actes qui pardonnent les péchés. قال وما هن. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demande وهو أعلم به. Alors qu'il est plus savant encore que le prophète alayhi salatu wa sallam. Mais il lui demande parce que là en fait c'est un hadith qui va éduquer la umma. C'est un hadith qui va éduquer la communauté tout entière. Qala wa ma hunna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala demande et c'est quoi ces actes d'expiation? Qultu mashi al-aqdam ila al-jama'at. La marche des pieds vers la prière en groupe. Ça, c'est déjà un acte d'expiation des péchés. والجلوس في المساجد بعد الصلوات. Et le fait de s'asseoir dans la mosquée ou dans les mosquées après les prières. نعم. فها ونحن جئنا بعضنا بالأقدام لحضور صلاة المغرب. وإلى الآن نحن جالسون بعد صلاة المغرب. فبفضل الله وبمنته كل هذا يطبق علينا إن كنا مخلصين ونسأل الله ذلك. طيب. Donc là, il dit le fait de marcher à la prière en groupe, donc ça expie les péchés, et aussi le fait de s'asseoir à la mosquée après chaque prière. طيب. وإسباغ الوضوء في المكروهات. Et le fait de bien faire ses ablutions avec de l'eau dans des moments où c'est détestable. C'est quoi ces moments détestables? Yani le fajr. Quand il fait froid et que tu utilises de l'eau. Ça va? Toi, tu pourrais te contenter de faire seulement un passage. Mais non, là, tu veux en faire trois. Ça va? Ça fait partie, ça rentre dans Isbar al-Wudu. Maintenant, si toi tu crains que tu vas tomber malade, alors tu te limites à un. Et si même avec un tu penses que ça peut te causer du tort, alors là tu te dois de faire tayammum. Non. À la kulli hal, le fait de bien faire les ablutions dans des moments où c'est détestable, ceci constitue un acte d'expiation des péchés. Qala. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit et qu'est-ce qu'il y a encore comme acte d'expiation? Qala qultu it'am at'am. Le fait d'offrir de la nourriture. Wa lin al-kalam. Et le fait de parler d'une parole douce. Wa lin al-kalam. Was-salah was-salatu bil-layl wan-nas niyam. Et le fait de prier de nuit alors que les gens sont endormis. Tout ça, ça constitue des actes qui causent le pardon d'Allah Azza wa Jal. Qui attire le pardon d'Allah Azza wa Jal pour la personne. Taïd, qui c'est qui peut nous répéter les actes qui expient les péchés? Marcher vers la mosquée. Le fait de marcher vers la mosquée. Rester entre chaque prière. Rester, voilà, rester entre deux prières à la mosquée. Parler d'une manière douce. Parler d'une manière douce. Prier la nuit. Prier la nuit. Pendant que les gens sont endormis. Lodo. Dans un temps où c'est détestable. 6. Nourrir quelqu'un. T'as même 7. 7 choses qui font partie des actes expiatoires. Ça veut dire si la personne elle commet un quelconque péché, qu'il essaie de s'accrocher à ce qu'elle peut faire de cette adoration. Ana'ef. Chars mathanat. حصل منه زلة خطأ فجاء مباشرة بعد خطأه بصدقة قلنا يا له من فقه يا لها من نعم من فقه ومن علم والعمل بالعلم on connaît une personne qui est tombée dans une khata, une faute. Elle a fait une faute. Qu'est-ce qu'elle a fait après sa faute? Elle est venue avec une sadaqa. Et ça, c'est vraiment ça constitue le fait d'œuvrer avec la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: "Ittaq Allah haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ati al-hasanati tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan." Crains Allah peu importe où tu te trouves et fais suivre la mauvaise action par la bonne action, elle l'effacera. C'est-à-dire la bonne action effacera la mauvaise action. Et comporte-toi avec les gens dans mon comportement. Non. ثم قال بعد ذلك après lui avoir dit cela Allah subhanahu wa ta'ala lui dit سل demande au محمد تمام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات oh mon seigneur je te demande le fait de faire de bonnes actions وترك المنكرات et le fait de délaisser les mauvaises actions وحب المساكين et le fait d'aimer les pauvres. Ça c'est une dua ينبغي ان يعني ان يحفظ. C'est une invocation qui est en vérité il faudrait que chacun d'entre nous il essaie de la prendre parce qu'elle est d'une importance énorme. قال قلت اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني. Et je te demande, après qu'il ait demandé l'amour des pauvres, parce que même l'amour, le fait d'aimer les pauvres, ça va te rendre mutawadi'. Wa tawadi' min a'zam sifat al-mu'minin. Yub'iduhu 'an al-kibr. Yub'iduhu 'an al-ghulu. Yub'iduhu 'an al-tarafu' 'ala an-nas. Wa ghayr dhalik. Le fait d'aimer les pauvres, c'est l'une des plus grandes qualités des croyants. Ou plutôt, c'est une chose qui pousse à acquérir l'humilité qui est la plus grande qualité ou l'une des plus grandes qualités des croyants. Car celui qui fait preuve d'humilité, il est loin ou s'éloigne de l'orgueil. Et s'éloigne de la vanité et de toute chose qui mène à cela. Donc il dit حب المساكين وان تغفر لي وترحمني et que tu me pardonnes et que tu me fasses miséricorde. واذا اردت فتنه قوم فتوفني غير مفتون. Et si tu as décidé d'éprouver un peuple, alors fais-moi mourir sans que je sois مفتون. Sans que je sois comment on pourrait traduire là مفتون? Sans que je sois fauteur de trou. Non. Fauteur de trou. Non, c'est pas tenté. Tenté, non. Sans que je sois tenté. Non, c'est ça. C'est non, sans que je sois tenté. Tu veux dire quoi, hein, Ismaël? Ouais, c'est ça. Donc fais-moi, yani, si tu veux éprouver ou si tu veux. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. Donc si tu veux éprouver un peuple, fais-moi mourir sans que je sois tenté ou soumis à la tentation. طيب هكذا. طيب قال أسألك ثم النبي صلى الله عليه وسلم يكونتينيو يدي اي صراحة ce qui va venir dans les deux c'est vraiment une chose qui ينبغي على كل مؤمن أن يسأل أن يسأله دائما وأبدا. Les deux qui vont arriver là, celles que le prophète صلى الله عليه وسلم il va faire, c'est vraiment des deux qu'il est très très très important d'effectuer jour après jour. قال أسألك حبك. Je te demande, oh Allah, ton amour. Je te demande, oh Allah, ton amour. Parce qu'en vérité, l'insan, حياته ومماته وكل حركاته لا يفعلها المؤمن إلا محبة لله وإجلابا لمحبته. Il fait pas ça, ses œuvres qu'il fait tous les jours. Hein? Il ne les fait, le croyant, il ne les fait que parce qu'il aime Allah Azza wa Jal. Et que pour s'attirer l'amour d'Allah Azza wa Jal. Enfin, l'amour d'Allah Azza wa Jal, en vérité, c'est la chose la plus importante que recherche le croyant. ما يطلب يعني فوق هذه المحبة محبة الأهل ولا محبة الأولاد ولا محبة الإخوان ولا محبة المسؤولين والرؤساء والأغنياء لا بل يقدم ويريد محبة الله عز وجل. نعم. فلهذا بعض الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا غدا الراية رجلا يحبه الله أو رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله تمام. النبي صلى الله عليه وسلم الذي dans une bataille, c'était la bataille, c'était quelle bataille اسماعيل؟ Khaybar. Ghazwat Khaybar. Le prophète Sassam, il a dit, certes, je vais donner l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager. Taïb, le fait d'aimer Allah et son messager, ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne qualité, mais beaucoup de personnes, ils peuvent prétendre cela. Tamam. Lakin, le prophète Sassam, il dit juste après, wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Et c'est un homme aussi qui est aimé d'Allah et de son messager. Lorsque les compagnons ils ont entendu cette deuxième phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous souhaité être cette personne. Hatta Omar. Jusqu'à Omar ibn Khattab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ce jour-là le drapeau à qui? Ali. Ali ibn Abi Talib. Na'am. قال الله سبحانه وتعالى إن صلاتي ومماتي ونسك لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. قل إن صلاتي. فالله سبحانه وتعالى a demandé au prophète sallam de dire que sa salat, que sa prière, que son nusuk, que son sacrifice, que sa vie, que sa mort, tout cela est pour Allah عز وجل. نعم. فالإنسان en vérité quand il se lève le matin, le premier son premier regard, il doit se tourner vers Allah Azza wa Jal. Son premier regard, il doit se tourner vers Allah Azza wa Jal. Et tout au long de la journée, il se doit de veiller à s'attirer la mort d'Allah Azza wa Jal. Naam. طيب قال أسألك حبك وحب من يحبك. أسألك حبك وحب من يحبك. Je te demande de ton amour et l'amour des gens qui t'aiment. والاعتصام على حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. Donc le fait que de demander aussi Allah subhanahu wa ta'ala, qui fasse descendre sur nous l'amour de toute personne qui aime Allah, c'est une excellente chose. Et on n'a pas dit on veut l'amour des riches, on veut l'amour des gens puissants de ce monde-là. Il n'a pas dit ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dit l'amour, accorde-moi l'amour des gens qui t'aiment. Al-mu'minin, faqat. Hein? Ça sous-entend accorde-moi l'amour des croyants. Faqat. On ne cherche pas l'amour de d'autres que ces gens-là. Non. Wa hubba. طيب. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Et je te demande aussi l'amour d'une œuvre qui va me rapprocher de toi. Hein? L'amour de toute œuvre qui va me rapprocher de toi. Et كذلك هذا من أنفع الأدعية. Ça fait partie des invocations les plus utiles. أنت ما أنت الذي تأتي في مثل هذه الحلقات بنفسك ما تأتي إلا بعد مشيئة الله وعونه وعونه لك على هذه العبادة parce qu'en vérité l'être humain il peut pas venir dans ce genre de khair, dans ce genre d'assises ou établir n'importe quelle adoration si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a voulu et si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a aidé à cela. Et parmi les aides d'Allah Azzawajal, qu'il mette dans ton cœur déjà l'amour de cette œuvre. Qu'il mette dans ton cœur l'amour de cette œuvre. بعد الإخوة كانوا يقولون لأخينا الفاضل حمزة عليه رحمة الله يقولون يا حمزة ما نحتاج إليك حتى نحب العلم الآن صرنا نحب العلم لأن بداية الأمر هو الذي كان يحثنا على العلم حتى دخلت محبة العلم ها فكل هذه الأعمال الصالحة لا يقدم عليها العبد إلا بعد أن جعلها الله في قلبه محبوبة toutes ces œuvres là que ce soit la prière que ce soit le qiyam al-layl que ce soit ramadan que ce soit le hajj que ce soit la umrah que ce soit toutes ces œuvres là Le serviteur, il ne peut pas avancer vers ces œuvres-là, si ce n'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ait fait descendre dans son cœur l'amour de ses œuvres. L'amour de ses œuvres. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé à Allah « وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ » Et accorde-moi, fais descendre sur moi l'amour de toute œuvre qui va me rapprocher de ton amour. C'est une dua azim. C'est une dua azim, jiddan, jiddan. Ensuite, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, et après que le prophète صلى الله عليه وسلم, il a raconté ça aux compagnons, ce matin-là, il dit, إنها حق, إنها حق, الضمير يرجع إلى ماذا. Là, le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit, certes, c'est une vérité, إنها حق, certes, c'est une vérité. Il parle de quoi? Qu'est-ce qui est une vérité? Tout ce qu'il a vu dans le rêve. Tout ce qui a été évoqué dans ce rêve-là. إِنَّهَا حَقٌ بعد ذلك يقول فَدْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا Étudiez ces choses-là. Et apprenez-les. تمام? فَهَذَا يَزِيدُكُمْ تَوْكِيدًا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَدْعِيَةِ يَنْبَغِي الْحِرْسَ عَلَيْهَا Donc ça doit vous rajouter de la certitude que ce genre d'invocation, il est bon de les pratiquer avec constance et de les apprendre tout d'abord. Le hadith a été écrit par Tirmidhi et l'imam Ahmed bi isnadin sahih. À la kulli hal, ce hadith-là, il mérite un sharh d'au moins un tome au minimum. Tellement il recèle de fawaïd. Lakin li dhiq al waqt naktafi bima dhakarna. Jazakallah. Ma ahla al aqida ya ikhwan. Al aqida yaziduka imana. Juste un hadith, là tu le lis, en étant concentré et en méditant sur ce qu'il recèle comme bienfait. تخرج من الحلقة وإذا بك قد ازداد إيمانك. C'est ce genre de hadith, quand tu les lis et tu les médites, il se peut que tu sors de cette assise et ton iman il a augmenté. نعم. وهذا ثمرة العلم النافع. طيب. On revient dans notre livre, la لمعة الاعتقاد, même si on va pas prendre grand chose. On lit au moins la Qaddima. طيب مقدمة صاحب المتن ابن قدامة قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله. تمام هذا يحفظ. On retient que Sahib Lum'at al-Ihtiqad ismuhu mala ismuhu Abdallah. Hein? Ismuhu Abdallah. Donc l'auteur du livre qu'on étudie, le livre qu'on appelle Lum'at al-Ihtiqad, et son prénom c'est Abdallah ibn Ahmed. Abdallah, fils de Ahmed. Ibn Qudama, fils de Qudama. Al-Maqdisi. Quand vous entendez Al-Maqdisi, ça veut dire quoi? Al-Maqdisi. Ewa. Nisbatan ila al-Quds. Nisbatan ila al-Quds. Non. C'est une affiliation à la noble mosquée de l'Aqsa. Non. Wahia. Min ashrafi. المساجد على وجه الأرض بعد المسجدين العظيمين مكة المكرمة ومسجد النبوي. نعم. ونأخذ يعني دقيقة فقط، يعني عبارة عن نصيحة أن لا ننسى إخواننا بالدعاء أينما كانوا المؤمنون إخوة. فإذا سمعتم بمأسة وبأس عند أي أحد من المسلمين فالمفروض أن ندعو لهم بالنصر والتأييد والرحمة وغير ذلك. Et entre parenthèses, on prend juste un petit temps là, juste pour évoquer une chose importante, c'est que il convient au croyant, lorsqu'il entend ou il est informé d'une situation qui se passe dans le monde concernant ses frères musulmans, de ne pas les oublier dans ses invocations. Que ce soit en sujoud ou autre, de ne pas les oublier dans ses invocations. Il se doit d'être avec ses frères. Yani, s'ils sont bien, il est bien. S'ils sont dans un malheur, il est avec eux. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabaka bayna asabi'ihi. Le prophète Azam a dit, le croyant est pour le croyant comme un édifice. Ils se renforcent les uns les autres. Et ça, c'est valable. Même si ton frère il se trouve en Palestine et toi, tu te trouves en France. Bid-du'a. Fa kama ta'lamoun, hasala ou yahsul fi hadhi l'amakin min al-fitan ma la ya'lamuhu illa Allah azza wa jal. Wa akhbirna annahum rubbama ghulliqu al-masjid. فيحتاج إلى الدعاء. هذا أمر. que tu fasses dua pour ton frère, ça c'est une chose très importante. طيب الأمر الثاني c'est que certains frères m'ont demandé qu'on fasse dua القنوت. qu'on fasse la dua du Qunut. C'est une dua spéciale que le prophète sallam a fait très rarement. Il a fait cette dua très rarement et pour des occasions particulières. Donc on m'a demandé de faire dua al-qunut. Wasraha, malgré qu'on sait que fi'lan, nos frères qui sont là-bas, ils sont dans une grande épreuve. Yani dua al-qunut, c'est une arme que le prophète sallam il n'a pas utilisée à n'importe quel moment. Ni lorsque les croyants ils ont été malmenés durant la bataille de Mu'ta, où Ja'far ibn Abi Talib qutil, ou Abdullah ibn Rawha qutil, ou ماذا Abdullah ibn Rawha ou Zayd ibn Thabit qutil, ou Zayd ibn Haritha, Zayd ibn Haritha, Abu Usam, le père de Usam, les trois ils ont été tués. Et d'autres, parmi les compagnons, ils ont été tués. Le prophète sallam, il n'a pas fait de qunut. Pareil, pour bon nombre de croyants qui ont été tués, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam, il n'a pas fait de qunut. Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qanat? Qanata, lorsqu'il a envoyé une trentaine de huffar, les kitabillah. Il a envoyé 30 personnes qui mémorisaient le Coran pour enseigner une tribu parmi les tribus arabes. Et cette tribu-là, elle les a trahis. Cette tribu-là a trahi ces savants que le prophète sallam a envoyés et ils les ont tous tués. Quand le prophète sallam il a vu ça, c'est à ce moment-là qu'il a invoqué énormément pendant un mois. Il n'a eu de cesse d'invoquer sur les tribus qui ont commis cette exaction. T'as mal? Donc, Cheikh Yahya et d'autres machères, quand il y a eu le printemps arabe et d'autres, avec ce qui a suivi comme trop, ils n'ont jamais fait le qunut. Ils n'ont jamais fait le qunut, bien que ce sont bel et bien des nawazil, ce qu'on appelle, c'est bien des événements qui descendent sur les musulmans, qui sont énormes. On ne dit pas le contraire. Lakin, al-hikmah, wad'u al-shay, fi mawadi'i. La hikmah, c'est de placer la chose à son endroit. Na'am. Fa nahnu nara ila al-an anna al-qunut, laysa lahu, yani, ma yastad'i. Wa nasal Allah. Et c'est pas parce qu'on dit que le qunut aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une cause qui le nécessite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de dua pour nos frères. Comme je vous ai dit, le fait de faire dua pour eux, c'est une affaire presque obligatoire. Non. Ça va? Ouais, Inch'Allah, on va prendre ce qu'on devait prendre dans le dars. Salut.